إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. Nous allons citer aujourd'hui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, le récit de Ilyas et dans la foulée celui de Israël. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa inna Ilyas la min al-mursalin, idh qala li qawmihi ala tattakun, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsan al-khaliqin » الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. La sourate 37, les versets 123 à 132. Ilyas était du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, « Ne craignez-vous pas Allah, invoquerez-vous votre idole Baal, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. » Ils le traitèrent de menteur. Alors ils seront emmenés vers le châtiment. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Ilyas, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Les généalogistes disent qu'il est Ilyas ibn Nashabi, ou bien Ilyas ibn Yassin ibn Finhas ibn Izar ibn Harun, ou bien Ilyas ibn al-Azir ibn al-Izar ibn Harun. On remarquera sur ces deux derniers avis qu'il y a entre lui et Harun, le grand prophète Harun, le frère de Moussa, deux ou trois générations. Cela suppose que Ilyas n'est pas le prophète venu juste après Yushar ibn Nun, alayhi salam, mais que sa venue est postérieure à plusieurs prophètes venu après Yushar. Et Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, nous expliquera pourquoi il le cite à ce moment précis, bien que chronologiquement parlant, il ne devrait pas être mentionné à cet emplacement, ou à ce moment-là. On dit qu'il fut envoyé aux gens de Baalabakka, Baalbek, dans l'actuel Liban, à l'ouest de Damas. Et il a été dit que ceux qui s'adonnaient au culte de Baal, l'idole de Baal, étaient les Cananéens, el-Kan'aniyin, ainsi qu'une partie des enfants d'Israël. Ilyas, alayhi salat wa salam, les appela à l'adoration d'Allah et à abandonner le culte de leur idole qu'ils appelaient Baal. C'est pourquoi il leur dit, ne craignez-vous pas Allah, invoquerez-vous votre idole Baal et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Il leur rappela que la base et le fondement de leur religion est de reconnaître Allah comme le seul Seigneur digne d'adoration et de l'adorer par conséquent. Ils le traitèrent de menteur et tentèrent de le tuer. Cela s'explique par le fait qu'Ilyas, ainsi que les croyants qui étaient avec lui, tuèrent les prêtres au service de cette idole, Baal, qui était un homme à la tête de taureau et à laquelle on faisait comme offrande ou parmi les offrandes qu'on lui faisait des enfants vivants qui brûlaient dans le feu et les personnes cherchaient à se rapprocher de cette idole par ce sacrifice. Ilyas ainsi que les croyants qui étaient avec lui tuèrent tous les prêtres qui étaient au service de Baal, ce qui provoqua la colère de Jezabel, qui était l'épouse du roi des enfants d'Israël à cette époque, Achab. Ibn Kathir, rahimahullah, tabarak wa ta'ala, va ouvrir ici une parenthèse sur un ensemble de narrations au sujet de Ilyas et d'Al-Khadir, dont nous avons déjà mentionné sa rencontre avec Moussa alayhi salatu wassalam, en disant: nous avons rapporté les propos de ceux qui prétendent que Ilyas et Al-Khadir se rencontrent chaque année à Bayt al-Maqdis, pendant le mois de Ramadan, qu'ils accomplissent ce pèlerinage chaque année, et qu'ils boivent suffisamment d'eau de Zamzam pour l'année. Nous avons également rapporté le hadith qui dit qu'ils se rassemblent chaque année à Arafah. Et nous avons montré que rien de cela n'était authentique, et qu'au contraire, les textes montrent qu'Al-Khadir est mort de même que Ilyas. Ibn Munabbih, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, et d'autres rapportent qu'après que son peuple l'ait renié et lui ait causé du tort, il invoqua son Seigneur afin qu'il reprenne son âme. Une monture à la couleur de feu vint à lui, il la chevaucha, et Allah lui donna des ailes et le recouvrit de lumière. Il lui retira tout désir pour la nourriture et la boisson. Il devint un ange humain entre ciel et terre. Et il fit des recommandations à Al-Yasar ibn Urtub. Al-Yasar, qui est un prophète que l'on citera dans un prochain cours, et que l'on appelle Élisée, qui sera le successeur de Ilyas. Ibn Kathir continue, dit: il y a à redire en cela. En plus du fait que ce soit un récit des gens du livre qui n'est ni accepté ni rejeté, plus encore, il est clair que son authenticité est très peu probable. Et Allah est plus savant. Donc tous ces récits que nous avons du prophète Élie, ou Ilyas, cités dans la Bible des Juifs et des Chrétiens, ne doivent pas être tenus pour compte, dans le sens où on n'a pas de texte, ni du Coran, ni de la Sunna, qui viendrait les confirmer ou les infirmer. De ce fait, l'imam Ibn Kathir nous rappelle une règle très importante en cela. Il nous dit: en plus du fait que ce soit un récit des gens du livre qui n'est ni accepté ni rejeté, la nusaddiquhu wa la nukadhibu. Mais on doit le prendre au conditionnel. L'imam Ibn Kathir continue et nous dit: quant au hadith rapporté par Al-Hafiz Abu Bakr Al-Bayhaqi, rahimahullah, d'après Anas Ibn Malik, qui a dit: nous étions en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et nous avons installé notre campement. Il y avait là un homme près d'une rivière qui disait: « Oh Allah, mets-moi parmi la communauté de Muhammad à laquelle tu feras miséricorde, pardonnera et récompensera. » Je me suis approché et j'ai vu un homme d'une taille supérieure à 300 coudées. Écoutez bien les termes de ce hadith, 300 coudées, ce qui fait à peu près 150 mètres de haut. Il me dit: « Qui es-tu ?» Anas ibn Malik, le servant du messager d'Allah. Où est-il? Il est là-bas, il entend ce que tu dis. Va le voir, salue-le de ma part et dis-lui, ton frère Ilyas te salue. Je suis donc allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'informer de cette rencontre. Il vint alors à sa rencontre, le prit dans ses bras, c'est-à-dire le prophète vint à la rencontre de Ilyas, le prit dans ses bras et le salua, puis ils s'assirent et discutèrent. Il lui dit: « Ô messager d'Allah, je ne mange qu'un seul jour dans l'année. En ce jour, mangeons donc ensemble. » Une table sur laquelle se trouvait du pain, du poisson et du céleri descendit alors du ciel. Ils mangèrent et m'en donnèrent. Puis nous avons accompli la prière du Asr. Et ensuite, il lui fit ses adieux et je lui vis prendre son chemin à travers un nuage vers le ciel. Al-Bayhaqi nous suffit lorsqu'il dit que c'est un hadith faible. Plus encore, il est à noter que c'est un hadith qui est maudour, c'est-à-dire mensonger, inventé de toutes pièces, comme l'a signalé Ibn al-Jawzi dans son livre Al-Maudu'at. Et d'autres savants du hadith aussi ont déclaré que c'est un hadith mensonger, sur plusieurs aspects. L'imam Ibn Kathir continue et dit: il est étonnant de constater que l'imam al-Hakim l'a référencé dans son Mustadrak. Et l'imam Ibn Kathir, il nous dit, ce Mustadrak a besoin lui aussi d'une correction. Il s'étonne que l'imam al-Hakim l'a cité dans son Mustadrak, qui est un ouvrage dont le but est de rapporter des corrections, alors que c'est un hadith inventé, contraire à la charia, contraire à l'islam, sur plusieurs points de vue. De plus, son sens n'est pas authentique, car comme cela a été déjà rappelé, Et comme il est rapporté dans les deux sahihs, le sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a créé Adam d'une taille de 60 coudées dans le ciel, jusqu'à dire, et la taille des hommes n'a cessé de diminuer jusqu'à maintenant. Donc dire que Ilyas fait 300 coudées, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique nous dit que Adam n'en faisait que 60, et la taille des hommes n'a cessé de diminuer jusqu'à maintenant, est en contradiction flagrante. Il est également dit qu'il ne s'est pas rendu chez le messager d'Allah jusqu'à ce que ce dernier vienne de lui-même, ce qui n'est pas authentique, car c'est à lui qu'il a incombé de se rendre au devant du sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit aussi qu'il mangeait une fois dans l'année, alors que nous avons rapporté d'après Wahb ibn Munabbih, qu'Allah lui retira tout désir pour la nourriture et la boisson. D'autres rapportent également qu'il buvait suffisamment d'eau de Zamzam pour un an. Ce sont là des informations contraires, toutes sont fausses, et rien de cela n'est authentique. Ibn Asakir a rapporté ce hadith avec une autre chaîne de transmission, tout en reconnaissant sa faiblesse. Mais il est tout de même étonnant de sa part qu'il l'ait rapporté. Il l'a rapporté d'après Wathilat ibn al-Asqar, puis il a cité le hadith dans son intégralité et parmi les éléments rapportés et que cela se déroula lors de la bataille de Tabouk. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Anas ibn Malik et Hudhayfah ibn al-Yaman qui dirent « Il nous dépassait de deux ou trois coudées » et il s'excusa de ne pouvoir se joindre à l'armée des musulmans afin de ne pas faire fuir les chamelles. Il est aussi dit qu'il rencontra le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils mangèrent des nourritures du paradis et Ilyas lui dit « Je mange tous les 40 jours et sur la table il y a du pain, des grenades, du raisin » des bananes, des dattes fraîches, des légumes, sauf du poireau. Il est aussi dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea à propos de Al-Khadir et qu'il répondit « Je l'ai vu la première année » et il m'a dit « Tu le verras avant moi, alors salue-le. » Tout cela, ce sont des informations qui ne sont pas seulement fausses mais mensongères de surcroît. Comme l'a signalé Ibn Asakir lui-même, et de nombreux savants du hadith. Alors pourquoi les citer ici si elles n'ont aucune base religieuse, elles sont faibles et voire même mensongères? C'est justement pour que les gens soient avertis. Et cela doit nous rappeler une règle importante dans la narration des faits historiques et de s'appuyer autant que peu sur le Coran et la Sunna et des traditions fiables. Et ramener des hadiths mensongers ou des narrations mensongères ou faibles a pour utilité de mettre en garde les personnes qui pourraient être trompées par ces mêmes narrations afin que les gens puissent être sur une clairvoyance et une science de la part de leur Seigneur dans ce domaine. L'imam Ibn Kathir continue et dit « Cela prouve, si on admettait leur existence et l'authenticité de ce hadith, que Al-Khadir et Ilyas n'avaient toujours pas rejoint le prophète en l'an 9 de l'Hégire, ce qui est religieusement inacceptable et cela est également inventé. » Donc si on admettait l'hypothèse que ce hadith était authentique, pourquoi Al-Khadir ainsi que Ilyas, qui sont tous les deux des prophètes, pourquoi aurait-il attendu l'année 9 de l'Hégire pour rejoindre le prophète? Cela est religieusement inacceptable, comme l'a dit Ibn Kathir. Ibn Asakir a rapporté d'autres chaînes de transmission dans lesquelles il est dit que Ilyas se joignit aux gens, mais elles sont toutes faibles ou leurs transmetteurs sont inconnus. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit concernant le récit de Ilyas, ils le traitèrent de menteur, alors ils seront emmenés vers le châtiment, soit en ce bas monde, et dans l'au-delà, soit uniquement dans l'au-delà, mais le premier avis est plus conforme au texte, ainsi que l'ont indiqué les commentateurs du Coran et les historiens. Exception faite des serviteurs élus d'Allah, c'est-à-dire sauf ceux parmi eux qui ont cru, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité, c'est-à-dire de sorte qu'il sera toujours évoqué en bien. C'est pour cela qu'Allah dit tabaraka wa ta'ala juste après, paix sur Ilyas. Salamun ala Ilyasin. La question qui se pose ici et que soulève l'imam Ibn Kathir, dans le Coran il est cité Ilyasin avec un noun à la fin, Ilyasin, alors que son nom est Ilyas. L'imam Ibn Kathir nous dit que l'ajout de la lettre Noun est une forme rhétorique très répandue chez les Arabes, de même que l'on dit Ismaïl, Ismaïn, Israël, Israïn, ou Ilyas, Ilyasin. C'est un premier élément de réponse à la présence de ce Noun, à la fin du nom du prophète Ilyas. On a également lu ce verset de la manière suivante. Salamun ala Ali Yasin. C'est-à-dire, paix sur les adeptes de Ilyas, Ali Yasin. Et Ibn Kathir nous dit que les adeptes de Ilyas, ce sont la communauté de Muhammad, alayhi salatu wa salam. Ibn Mas'ud et d'autres ont lu ce verset de la manière suivante. Salamun ala Idrasin. Salamun ala Idrasin. Idrasin, avec le dal. Abu Ishaq rapporte d'après Ibn Mas'ud que Ilyas était Idris, ce qui est également l'avis de Ad-Dahhak, Ibn Muzahim, Qatada et Muhammad Ibn Ishaq ont également rapporté cet avis, mais ce qui est authentique est que ce sont deux personnes différentes, comme nous l'avons exposé plus tôt. Et Allah est plus savant. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce prophète Ilyas, Élie en français. Et les informations le concernant, les informations fiables et authentiques le concernant ne sont pas profuses et conséquentes. De ce fait, nous nous en tenons à ce qu'a cité l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'imam Ibn Kathir va citer les prophètes des enfants d'Israël après Moussa, alayhi salatu wassalam. Il dit, Ibn Jalil rapporte, il n'y a aucune divergence entre les savants de notre communauté concernant les informations de nos prédécesseurs pour dire que celui qui prit en charge le commandement des enfants d'Israël après Yusha ibn Nun fut Kalib ibn Yufanna, qui est un des compagnons de Moussa alayhi salatu wassalam et l'époux de Mariam, la sœur de Moussa. Pour dire autrement, c'est le beau-frère de Moussa alayhi salatu wassalam, mais il est surtout l'un des deux hommes qui ont craint Allah, lui et Yusha ibn Nun, qui sont ceux qui ont dit aux enfants d'Israël lorsqu'ils ont refusé de combattre, qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allah alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sourate 5, verset 23. Deux hommes d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent « Entrez chez eux par la porte. Puis, quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants et les vainqueurs. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. » Donc, ces deux hommes étaient Yusha ibn Nun, le successeur de Moussa alayhi salatu wassalam, et Kalib ibn Yufanna, le successeur de Yusha ibn Nun. Ibn Jarir a dit, après lui, celui qui gouverna les enfants d'Israël, c'est-à-dire après Kalib ibn Yufanna, fut Hasqiyal ibn Buzzi, qui est celui qui invoqua Allah, qui fit revivre ceux qui avaient quitté leur demeure par milliers afin de fuir la mort. Cela nous ouvre directement le chapitre de Hasqiyal, que les gens de la Bible appellent Ézéchiel. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Sourate 2, verset 243. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure? Il y en avait des milliers par crainte de la mort. Puis Allah leur dit, mourez. Après quoi, il les rendit à la vie. Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Muhammad ibn Ishaq rapporte d'après Wahb ibn Munabbih, lorsqu'après Yushar, Kalib ibn Yufanna mourut, Allah mit à la tête des enfants d'Israël Hasqiyal ibn Buzi, alayhi salam, celui qui invoqua pour le peuple, qu'Allah mentionne dans son livre, d'après ce qui nous est parvenu. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure par milliers par crainte de la mort? Ibn Ishaq dit qu'ils ont fui la peste et se sont installés en un lieu élevé, mais Allah leur dit mourir. Ils moururent tous et leur corps fut protégé des carnassiers. Une longue période s'écoula et Hasqiyal passa près d'eux et resta là à les méditer. On lui dit, Aimerais-tu qu'Allah les ressuscite sous tes yeux ? Il répondit oui. Et on lui ordonna d'appeler ses os afin qu'ils se recouvrent de chair et que les membres se lient entre eux. Il les appela sous ordre d'Allah. Les gens se levèrent alors et dirent comme d'un seul homme, Allah est le plus grand. Ça, c'est la narration de Mohammed ibn Ishaq. On rapporte de Abdullah ibn Abbas qu'ils étaient 4000, 8000 ou encore 40000. Pour Abu Salih, ils étaient 9000. Selon Sa'd ibn Abdul Aziz, ils étaient originaires de Adru'at, au Sham. Et pour Ibn Jurayj, ainsi que Ata ibn Rabah, ils ne sont qu'un exemple pour montrer que toute précaution est inutile face au destin. C'est-à-dire qu'en réalité, ce récit n'a jamais existé. Cet événement n'a jamais existé, ne s'est jamais produit. Mais Ibn Kathir répond à cela et dit « Mais l'avis de la majorité des savants disant que cela s'est réellement passé est plus fort. » Mohammed ibn Ishaq continue et dit « On ne nous a pas transmis combien de temps Asqiyel resta parmi les enfants d'Israël. » Puis Allah le rappela à lui, et lorsqu'il mourut, les enfants d'Israël oublièrent l'engagement qu'Allah prit d'eux. Les événements se succédèrent parmi eux, ils adorèrent les statues, parmi lesquelles Baal. C'est à ce moment-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur envoya Ilyas. Et c'est pour cette raison que l'imam Ibn Kathir va nous dire ici, ou va nous citer la raison pour laquelle il a cité Ilyas en premier, bien que Ilyas, chronologiquement parlant, est postérieur à Esqiyal. Il dit, nous avons mentionné le récit de Ilyas à la suite du récit de l'Khadir, car ils sont généralement cités ensemble, en regard de tous ces hadiths mensongers que nous avons cités. Et parce que son récit se trouve après celui de Moussa dans Sourate As-Saffat. C'est pour ces raisons que nous avons mentionné son récit plus tôt. Et Allah est plus savant. Mais dans la réalité, Ilyas est postérieur à Hisqayil. Mohammed ibn Ishaq rapporte que Wahb ibn Munabbih a dit « Puis succéda à Ilyas dans la prophétie celui à qui il fit des recommandations, à savoir Al-Yasar ibn Urtub, le prophète Al-Yasar, qu'on appellera Élisée. Et nous parlerons de lui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le prochain cours, ainsi que le récit de Shamouil, et nous entamerons dans la foulée le récit de Daoud, alayhi salam. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.